Chapitre deuxième, je me tais. En toute chose, un organe que l'on délaisse s'engourdit et se rouille. Mais ce même organe, si vous le surmenez, s'épuise et finit par se briser. Les médecins, je vivais parmi eux, ne cessaient depuis un an de me prévenir que je devrais me modérer sur la parole, parler moins souvent, moins longtemps de suite, moins haut surtout et moins vite, et avec moins de feu. Je répondais que ma poitrine était comme une forge que rien ne lassait, dont l'activité féconde était d'autant plus grande qu'on y entassait plus de combustible, que tout au plus, quand j'atteindrais les dernières limites de la vieillesse, commencerais-je à éprouver un peu de fatigue. Ce serait un signe qu'il faudrait bientôt plier bagage, et je m'y résignerais de bonne grâce, mais en attendant, j'étais dans la force et l'épanouissement de mes facultés orales. Ce serait être dupe que de me rationner comme on l'aurait voulu. On ne me dit plus rien. Je continuais à abuser de ma voix. Un beau jour, l'instrument se brisa. Il me sembla que je sentais au fond de ma poitrine comme un soudain et violent déchirement. J'eus une effroyable bronchite. 30 jours, je flottais entre la vie et la mort. La force de ma constitution prévalut, je revins à la santé. Mais les organes de la phonation, comme disait mon médecin allemand, étaient chez moi, sinon gravement atteints, du moins épuisés pour longtemps. Ce n'était qu'à force de ménagement que je pouvais espérer reprendre un peu de vigueur de ce côté. Lors d'une consultation qui suivit de près mon entrée en convalescence, les docteurs, tous amis de mon père, tous au fait de ce qui avait amené cette bronchite, furent unanimes dans leur décision. « Il faut 2 choses à Christophe, » dirent-ils. « 1. L'arracher à la vie parisienne. S'il remet le pied dans ses conférences, s'il approche encore d'un seul de ses camarades avec lesquels il se livrait à d'interminables entretiens, c'est un homme perdu. 2. Mais Christophe mourrait d'ennui tout seul, loin de Paris. Il faut donc le marier et l'asseoir à jamais dans les calmes évolutions de la vie de province. » J'eus peur, non de la province, mais d'une rechute. Le sentiment de la conservation s'empara de moi. Je me dis que mes docteurs avaient raison, mais que leur prudence, si extrême qu'elle parut, était encore insuffisante. Ils ne savaient pas jusqu'à quel point j'étais fanatique de la parole. Si vous voulez que le tigre ne mange pas de viande, ne lui montrez pas même le bout de la queue d'un mouton. Un ivrogne, si vous entreprenez de le guérir, ne proposez pas la demi-mesure de boire modérément, de ne s'enivrer jamais, qu'il ne boive, qu'il ne voie jamais que de l'eau. Eh bien, moi je sentais parfaitement que s'il y avait auprès de moi quelqu'un pour me parler ou seulement pour m'écouter, fût-ce le dernier des décrotteurs ou des marchands de contremarque, je retomberais bien vite dans mon vieux péché. Que serait-ce donc si j'avais toujours à mes côtés, en la personne de ma femme, un auditeur docile et un interlocuteur à qui sa tendresse inspirait une éloquence contagieuse. Je fis donc le vœu, si je guérissais décidément, 1. De ne me marier qu'à une sourde muette. 2. De n'habiter, au moins pendant 10 ans, qu'un pays dont j'ignorerais complètement le langage. Et de là, de ne rompre le silence qu'autant que cela serait absolument nécessaire à l'accomplissement de mes devoirs religieux. Je guéris tout à fait. « Un voyage me fera du bien et achèvera de me remettre, » dis-je à mes parents. Et je partis pour l'Allemagne. Je comptais visiter les principaux établissements scientifiques et hospitaliers de ce grand pays. Je me munis donc de nombreuses lettres de recommandation. Je n'eus que l'embarras du choix parmi tant de célébrités médicales, amies intimes de mon père. J'étais moi-même de la confrérie d'Esculape. 8 jours, à point nommé, avant ma maladie, j'avais obtenu le diplôme de docteur. L'objet de mes investigations était d'ailleurs infiniment plus précis que je n'avais voulu le laisser entrevoir à ma famille. Je n'avais pas oublié mon vœu, et je me mettais en devoir de l'accomplir. Je cherchais femme. Je cherchais femme parmi les sourdes muettes. Mais je ne m'en vantais pas. On m'eût alors peut-être épousé pour mon argent et ma belle position. Tandis que dans mon rôle de savant voyageur, je pouvais étudier tout à mon aise les sujets éventuels et me décider en connaissance de cause. Toutes les fois que j'arrivais dans un asile de sourdes muettes, Je ne visitais les sourds-muets que pour la forme et afin de ne point éveiller les soupçons. J'exhibais mes lettres de créance et je demandais que l'on voulût bien faire subir devant moi un petit examen à ces pauvres filles. C'était par amour de la science. Je réunissais des matériaux pour mon grand ouvrage, des différentes méthodes pédagogiques appliquées aux sourds-muets dans les divers pays de l'Europe. J'avais déjà exploré, sans recueillir autre chose que quelques détails insignifiants de statistiques, le grand-duché de Bade, les deux Saxe, une partie de la Prusse, et les états microscopiques de 8 ou 10 principicules lorsque j'atteignis le Mecklembourg. Là, et dans une ville dont je vous tairai le nom, il y avait un superbe archi-gymnase pour l'éducation des sourdes-muettes. Je m'y rendis. L'introduction ordinaire eut lieu, et sur ma demande, l'exercice commença. « Que notre savant de Paris veuille bien poser lui-même une question à ces demoiselles, » me dit le docteur Fröhlich, lequel était à la fois médecin en chef et directeur de l'établissement. « Je jugerai ainsi, et de l'instruction donnée aux élèves, et de la portée de leur esprit. « Soit, » dis-je d'un air distrait. Puis je feignis de réfléchir. « Eh bien, si vous leur demandiez à quoi sert la parole ?» J'avais mon idée en posant cette question. Mais maintenant que j'y réfléchis, je me dis que dans une réunion de muettes, ce n'était pas trop galant. Les pauvres filles étaient, à ce qu'il paraît, préparées à tout. Plusieurs furent éloquentes dans les éloges qu'elles prodiguèrent à ce don précieux qui leur manquait. La parole, c'est le lien de la société. La parole, c'est le véhicule de la pensée. La parole, c'est aussi bien que la raison ce qui distingue l'homme de la bête. Que dis-je ? L'homme qui ne parle pas n'est-il pas, à un point de vue du moins, au-dessous du perroquet ? Telles furent quelques-unes des réponses. Il y eut même une ou deux jeunes filles, douées d'un esprit caustique, qui se souvinrent du mot de Talleyrand. La parole, mais elle a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée, dit entre autres le numéro 705. Privé de la parole, que vont devenir, sans parler de la chair et du barreau, que vont devenir le commerce et la diplomatie ? « Ces demoiselles ont bien de l'esprit, » dis-je au directeur. « Monsieur n'a pas encore interrogé le numéro 2662, » me répondit-il. Et faisant, par un simple signe de l'œil, lever une jolie blonde, il lui répéta ma question. Aussi éloigné du dithyrambe de ses premières compagnes que de l'humeur sarcastique des secondes, elle se recueillit un instant, comme pour mesurer l'expression d'une pensée qui semblait de longue date ancrée dans son cœur. « À quoi sert la parole ? » reprit-elle d'un ton enjoué. Je dis, malgré son mutisme, d'un ton. L'enjouement était dans la vive sérénité du regard et la joyeuse rapidité du geste. « À quoi sert la parole ? » « À rien. » « Je suis muette. N'ai-je pas le langage de cœur ? N'ai-je pas le langage des yeux ? Tout le reste n'est que verbiage. Pour aimer Dieu, pour aimer mes compagnes, est-ce que mon cœur ne suffit pas ? Quand il s'agit de dire ce qu'il y a dans mon cœur, est-ce que quelque chose manque à mes yeux ? Elle s'arrêta un instant comme si elle eût craint d'aller plus loin. Encouragée par notre silence, et comme poussée par un sentiment intérieur, elle ajouta, le front légèrement teint d'une rougeur qui me sembla charmante. Et si j'aimais Dieu me donnait de former ces doux liens que sans doute mon infirmité m'interdit pour toujours, celui qu'après Dieu j'aimerais uniquement verrait bien avec quelques sons de plus que je ne l'aimerais pas davantage. Je ne le dirais pas plus éloquemment qu'avec mon cœur et mes yeux pour seuls interprètes. » Elle se rassit. Je passai dans le cabinet du directeur. Je sus qu'en effet il n'y avait pas dans toute la maison un cœur comparable au numéro 2662, pour l'ardeur et la constance des affections, pour la promptitude d'un dévouement qui se dépensait toujours sans calculer, pour les élans d'une pitié qui, bien loin d'entraver le moindre de ses devoirs, en était la vie et comme la sève, qu'en un mot, on fouillerait toute l'Allemagne, peut-être le monde entier, sans pouvoir trouver une âme égale à l'âme de ce numéro. « Pauvre 2662, » dit le directeur, s'attendrissant de plus en plus, « il n'a que 2 défauts. Lesquels donc ? Oh, vous connaissez le second, mais vous ignorez le premier. » 2662 est catholique et sourde-muette. Eh bien, ce sont précisément pour moi 2 qualités. J'ouvris alors mon cœur au digne directeur. et quand il sut que 2662 me ravissait et faisait mon affaire, que, sauf le délai requis pour avoir le consentement de mes parents et pour publier les bans, j'allais l'épouser, il ne put retenir ses larmes. Larmes de joie pour la bonne fortune qui tombait ainsi sur la tête de son cher numéro, larmes de tristesse à la pensée que l'archigymnase allait perdre le plus beau fleuron de sa couronne. J'écrivis à mes parents. Les témoignages que j'avais réunis en faveur de Bathilde Falkenstein, c'était le nom que 2662 recouvrait pour un instant au moment de le perdre, ces témoignages ne me laissaient pas de doute sur la réponse favorable de ma famille. Nous nous mariâmes donc, et si vous le voulez bien, comme dans les pièces en 5 actes et en 25 tableaux, un changement à vue m'a transporté soudainement les nouveaux époux des bords de la Baltique au rivage de la Méditerranée. Je n'avais, en épousant Bathilde, accompli que la première partie de mon vœu. Même les négociations nécessaires pour amener cette union m'avaient fait user de ma langue d'une manière que je sentais être toujours proche de l'abus. Comme je savais l'anglais, l'allemand, un peu de russe et de polonais, mais que je n'avais pas la première idée des langues méridionales, l'Espagne me parut un pays très favorable à mon programme de silence. D'ailleurs, au point de vue médical, pour un homme qui sortait d'une bronchite, les pays chauds étaient indiqués. Que nous fûmes heureux pendant les 6 années que nous habitâmes à Mijas. Bathilde avait tenu parole. J'aurais passé mes journées à lire dans ses yeux le très beau poème de ses sentiments, sentiments de piété envers Dieu d'abord, de tendresse pour son mari, de bienveillance pour tous ceux qui l'entouraient. Mais, s'il m'est permis de faire cette mauvaise plaisanterie, Bathilde n'entendait pas de cette oreille-là. Elle connaissait le vrai but de la vie, elle avait médité sur la dure noble loi du travail. L'affection la plus légitime pouvait être le charme de notre existence, l'adoucissement de nos peines. Elle ne devait pas nous absorber. Déjà très occupée par les soins du ménage, l'éducation de nos enfants, elle voulut toujours que les pauvres eussent, après Dieu, une part inaliénable dans chacune de ses journées. Elle ne tarda pas à être connue de tous les ménages nécessiteux des environs. Il n'y avait pas un vieillard malade, pas une femme en couche, pas un enfant pris de la rougeole ou de la coqueluche, pas un ouvrier interrompu dans ses travaux par une chute ou une fluxion de poitrine, que la sainte muette n'accourut à leur chevet. Et je vous assure qu'elle donnait là une preuve de plus de ce que peut, même sans le secours de la parole, une belle âme servie par un bon regard. Jamais une seule fois, on ne sembla regretter, dans les chaumières de ses clients, que Bathilde ne parla pas, tant elle portait son cœur sur sa main, tant il y avait de douce et brûlante éloquence dans le pur éclat de ses yeux. Bathilde pensa, dès l'abord, que je devais l'aider dans ce ministère charitable, ou plutôt, comme elle avait une idée très arrêtée de la naturelle et légitime primauté de l'époux dans l'association conjugale, elle pensa que je devais marcher le premier, afin qu'elle me suivît. J'étais docteur, pourquoi ne solliciterais-je pas le poste gratuit, c'était une chance de plus pour l'obtenir, de médecin des pauvres. Je suivis son conseil, qu'elle me donna par écrit. C'était notre seule manière de communiquer lorsque nous avions échangé non plus des sentiments, mais des idées tant soit peu précises. Je visitai donc les pauvres et l'on m'appela le médecin muet. Quand il fallait absolument que mes malades parlassent, je faisais venir Ruidias, le barbier qui, lors des guerres de l'Empire, avait appris un peu de français en faisant le coup de fusil contre nous. Ce brave Figaro me traduisait les explications des patients. Car si j'avais fait vœu de mutisme, je ne m'étais en aucune manière engagé à me boucher les oreilles. Mais que de fois je me passais de ce truchement, et que de guérisons sans qu'une parole eût été échangée entre le malade et le médecin. Quand on a affaire à des nouveau-nés, quand on traite, excusez l'assimilation, un chien ou un cheval, il faut bien se passer de la langue de bébé, d'Azor ou de Bucéphale. Je ne vous ai parlé qu'en passant de nos enfants. Nous avions 3 fils. Ma terreur avait été qu'ils ne parlassent. Leur joyeux babil n'eût-il pas réveillé, avec tous les seins de mes souvenirs d'enfance, mon amour mal assoupi pour la parole? Comment entendre le premier gazouillement de ces chers petits et ne pas leur répondre, et ne pas travailler à développer chez eux cet organe naissant. Parlant, ils eussent été entendants. Comment ne pas se laisser aller à leur parler, à les instruire, à leur conter des histoires? Que fût devenu mon vœu? Que fussent devenues mes branches? Car je me connaissais, une fois engagé sur la pente fatale, je serais allé jusqu'au bout. De nouveau tombé au fin fond du précipice, eût-il été possible de me sauver une seconde fois? Dieu eut pitié de moi. Mes fils naquirent successivement, sourds-muets comme leur mère, et l'épreuve que je redoutais me fut épargnée. J'ajoute que s'ils héritèrent de l'infirmité maternelle, ils héritèrent aussi des vertus et des charmantes qualités de Bathilde. Il était difficile d'imaginer une terre plus généreuse que ces jeunes âmes. Ce que nous y semions y germait tout de suite, et produisait des fruits au centuple. Amour de Dieu, piété filiale, tendresse fraternelle, respect et amour des pauvres, goût vif pour l'étude. Louis, Adalbert et Oscar n'avaient pas encore 7, 8 et 9 ans que tout cela commençait à poindre en eux. Nous partagions notre vie entre les soins de leur éducation et notre ministère charitable de médecins des pauvres. Oh, que nous étions heureux! Nous l'étions trop, sans doute. Je n'avais, bien entendu, fait aucune étude de la belle langue de Cervantes et de Calderon. Mais enfin, les difficultés de la vie étaient là. Notre cuisinière, notre cocher, la bonne de nos enfants étaient espagnoles. Et quoique je ne leur parlasse jamais que par signes, bien qu'ils eussent l'ordre de n'ouvrir la bouche devant moi qu'à la dernière extrémité, cette extrémité se présentait souvent. Dès qu'ils voyaient que je ne saisissais pas leur mimique, vite un flot de paroles. J'avais beau faire, il en entrait ainsi dans ma tête plus que je n'aurais voulu. Mes malades aussi ne se croyaient pas astreints au même silence que moi, et quand Ruy Diaz ne pouvait me prêter son ministère, je n'étais pas assez impitoyable pour ne point écouter les explications du poitrinaire ou du fébricitant. Plus d'une fois même, sans doute, j'y cherchais, à travers une langue de moins en moins inconnue, des lumières et une direction. Ce travail intérieur se poursuivait sans que j'en eusse conscience, sans que jamais j'eusse répondu autrement que par un mouvement de tête, ni interrogé autrement que par une série de signes dans lesquels j'excellais. Selon moi, pour ne les point comprendre d'abord, il fallait être inepte. Pourtant, un jour, je fus mis à rude épreuve. Je visitais, depuis 3 semaines, un vieux mendiant qui passait pour avoir fait tous les métiers, écumeur de mer, contrebandier, même un peu voleur et tant soit peu assassin. Il avait près de 80 ans. Il avait mené, dès son enfance, une vie errante et quasi bohémienne. Empêché ces dernières années par son grand âge de se livrer à ses anciens exploits, il parcourait la campagne et se contentait, en souvenir de son passé, de vendre très cher de très mauvaises marchandises et d'écouler des pièces fausses. La maladie l'avait surpris aux portes de Mejas. Une vieille femme, presque aussi pauvre que lui, la mère Esperanza, le recueillit dans sa cabane, c'est là que je lui donnais des soins. Dès le second jour, je réclamais le ministère du barbier. J'avais reconnu que le mal du vieil Ortega était incurable. Dans une quinzaine au plus tard, on le porterait au cimetière. J'écrivis donc en français quelques lignes à mon interprète, pour qu'avec toutes sortes de ménagements, il renseignât un peu le pauvre malade sur son état et l'engageât à songer à son salut. Ortega écouta, puis répondit d'un ton dégagé « C'est bon ». Chaque jour, cependant, je revenais. Je voyais mon homme s'affaiblir progressivement. Je lui donnais quelques tisanes et quelques louches pour calmer sa toux et lui procurer un peu de sommeil. Du côté religieux, rien ne venait. Cependant, il paraissait touché de mes soins et me remerciait souvent avec un regard où je ne voyais rien de son antique férocité. Un soir donc, qu'il me semblait plus mal, je lui montrai le crucifix, suspendu à une place d'honneur dans le pauvre logis de la mère Esperanza. Mais comme il ne paraissait pas comprendre, je jugeais que ses yeux affaiblis ne voyaient pas si loin. Alors je tirai de ma poche une petite croix qui ne me quitte jamais. Je la mis sur mon cœur. Je levai les yeux au ciel. Je pris tour à tour l'expression contrite du pénitent qui avoue ses fautes, l'expression digne et attendrie du prêtre qui lui pardonne au nom de Dieu, l'aspect irrité du souverain juge quand paraît devant lui le pécheur impénitent. J'essayais ainsi de peindre au malade par mes gestes et mes regards sa position désespérée. Il n'avait que quelques jours, que quelques heures peut-être à vivre. Il n'était que temps de faire venir le curé. Le vieil Ortega ne me comprenait-il pas? Ou faisait-il semblant de ne point me comprendre? Je ne sais. Toujours est-il qu'il dilatait démesurément ses pupilles, qu'il contractait son front comme quelqu'un qui fait des efforts inouïs pour saisir un sens qui lui échappe sans cesse. Puis il portait sa main à sa tête, et accélérant un peu le hochement habituel de son chef dénudé, il semblait dire « Non, il n'y a pas moyen. Je ne sais pas du tout ce que vous voulez me dire. » Puis, comme si je pouvais l'entendre, je m'étais cependant donné à lui pour sourd-muet, il se mit à me tenir le discours suivant. « Ah, vous voulez parler de ce beau crucifix d'or que je volais en 1821 à ce chanoine de Valladolid, Don Antonio. Le pauvre vieux, c'est vrai pourtant. Quand je m'approchais pour lui faire passer le goût du pain, il avait cet air doux et tendre que vous preniez tout à l'heure. Puis il me menaça de la colère de Dieu, de la justice des hommes, et alors ses yeux flamboyaient. Mais bah, Dieu ne s'occupe pas de moi. Et quant aux corregidors et aux alguazils, voyez-vous, j'ai toujours été plus fin qu'eux. Sans compter le chanoine, combien n'en ai-je pas envoyé à patresse de ceux et de celles qui ne voulaient pas se laisser plumer sans maudire. Et pourtant, voici que je meurs paisiblement dans mon lit. Je n'hésitais pas. Il y avait là une âme en péril. J'oubliais que je m'étais donné pour muet. J'oubliais que je ne savais pas l'espagnol. Et je me mis à faire à mon moribond un discours si tendre et si véhément, à lui peindre en termes si pathétiques le triste état de son âme, l'horreur de sa vie passée, l'inépuisable bonté de Dieu, toujours prêt à recevoir même à la dernière heure ceux qui se tournent vers lui d'un cœur sincèrement pénitent, que le pauvre diable, pris à l'improviste par cette bordée d'arguments, voyant presque un miracle dans ce muet transformé d'emblée en orateur, sentit tout à coup la glace de son cœur se fondre. Il n'eut plus qu'un cri pour demander le prêtre. Comme je sortais en courant pour aller chercher monsieur le curé, je le rencontrai et lui expliquai l'affaire. Tandis que, tout ébahi de m'entendre causer, il se hâtait vers le vieil Ortega, et que, le trouvant admirablement préparé, il lui administrait les derniers sacrements. Il était grand temps, Ortega mourut le soir même, je rentrai chez moi. « Il faut partir, » dis-je à Bathilde, et je lui racontai, par l'intermédiaire de mon crayon, tout ce qui venait de m'arriver. J'avais de la parole une peur bleue, et je la voyais qui m'envahissait, comme une marée montante. Je me sentais repris par mon ancienne manie, m'installant pour conter des histoires dans la posada de la ville, passant la nuit en d'interminables causeries avec le curé. Ce pauvre curé qui n'avait personne à qui parler, il ne manquerait de rien, dès que mon mutisme aurait cessé, de solliciter de temps en temps la faveur de quelques minutes d'entretien avec moi. Je me connaissais. Ces minutes seraient bientôt des heures, et me voici de nouveau passé à l'état de machine à parole. Loquendo falens horas, charmant les heures par mes discours, non point seulement avec le curé, mais avec l'alcade, les bourgeois, les marchands, les barbiers, les muletiers, les soldats, le pays tout entier. C'était ma mort, il fallait fuir au plus tôt. Comment choisîmes-nous la Norvège pour nouveau domicile? Ce fut sans doute pour nous dépayser davantage, pour que je me trouvasse de nouveau en face d'une langue que j'ignorais absolument. D'ailleurs, nos santé s'était singulièrement consolidée pendant notre séjour en Espagne, et nous allions arriver dans la péninsule scandinave, ayant devant nous 5 ou 6 mois de la plus tiède température. Nous serions aguerris quand viendrait l'hiver, ajouté que nous étions, Dieu merci, en position de ne lésiner ni sur le combustible ni sur les fourrures. Tout bien réfléchi, nous nous fixâmes à Ouroum, petite ville située à quelques lieues de Christiania dans la rade de ce nom. Je ne vous dirai rien de notre vie sur cette terre nouvelle. Notre bonheur intérieur fut le même qu'en Espagne. Jamais le moindre nuage ne le vint troubler. Nos enfants grandissaient. Le soin de leur éducation suffisait à remplir mes journées. Ma femme y joignait seulement la visite de quelques pauvres. C'était une chose dont elle ne pouvait se passer. Mais il faut absolument que je vous raconte comment il se fit qu'au bout de 5 ou 6 ans, nous fûmes obligés de quitter Rome, comme nous avions quitté Mijas. Nous faisions, mes fils et moi, de fréquentes promenades dans le magnifique pays qui avoisinait notre habitation. Nous ne nous lassions pas d'errer à travers ces beaux bois de sapins, remplis d'un si majestueux silence, et que parcourait sans cesse une brise chargée du parfum des fleurs et des saines exhalaisons de la résine. Nous aimions à gravir les montagnes couvertes de neige, à contempler du haut des pics le soleil se coucher dans la mer, à sauter de roche en roche comme autant de chamois. Jamais, par une sotte bravade, nous ne nous fussions exposés à d'inutiles dangers. Mais quand on a le pied montagnard, de bons bâtons ferrés et notre expérience, est-ce que côtoyer un précipice est un danger? Cependant, un jour que nous cheminions ainsi, à la queue leu-leu, le long d'une large crevasse, Oscar, mon plus jeune fils, un charmant enfant de 10 ans, que nous avions appelé de ce nom scandinave par pure fantaisie et sans nous douter qu'il n'eût jamais devenir habitant de la Norvège, Oscar eut une distraction, il fit un faux pas et tomba en poussant un grand cri. J'entendis rouler mon pauvre enfant, je l'entendis crier, puis j'entendis que je n'entendais plus rien. Jugez de ma douleur. Je ne veux pas dire de mon désespoir, car ce fut, au contraire, mon espérance en la bonté de Dieu qui me sauva. J'élevais vers ce Père par excellence mon âme tout entière. Je lui demandais d'avoir pitié de moi, et surtout de ma pauvre Bathilde. Un berger accourait qui, du haut d'un tertre voisin, avait tout vu, tout entendu. Il connaissait les ravins et les crevasses, comme nous les sentiers battus, ce qu'il avait fait tant de fois pour aller rechercher une de ses chèvres au fond du précipice, comment ne le ferait-il pas pour rendre un fils à son père? Je le vis qui, s'accrochant aux branches épineuses des genévriers, descendait comme un chat cette pente qui me semblait à pic. Puis je le perdis de vue. Puis, après un demi-quart d'heure qui me sembla un siècle, j'entendis comme un bruit sourd qui grandissait peu à peu. Puis j'aperçus le saillon du chevrier. Dans les bras de cet homme intrépide était mon Oscar, un peu étourdi de sa chute, mais nullement blessé. En me revoyant, en revoyant ses frères, il poussa un cri de joie. Le berger allait retourner à son troupeau. Je l'arrêtai. Et qui fut plus étonné de lui, ou de moi, ou de mes enfants, je ne saurais le dire, lorsque de mes lèvres coulèrent comme un torrent des flots de Norvégiens. La grammaire était peu respectée, sans doute, dans cette improvisation. Mais les idées étaient abondantes, la parole facile. C'était du cœur qu'avait jailli ce torrent. Comment un père aurait-il pu se taire devant celui qui lui ramenait son fils? J'étais en proie à une vive exaltation. Mais, comme nous rentrions, elle se calma. Je savais donc le Norvégien. En 15 jours, je le parlerai comme un naturel. Que deviendrait mon vœu? Que deviendraient mes bronches? Partons pour la Syrie, dis-je, médiane tekalamo, au moyen de ma plume, à Bathilde, après lui avoir conté le sauvetage d'Oscar. Nous partîmes. Outre qu'il fallait fuir le Norvégien, un pays où il y aurait beaucoup de soleil et peu de précipices me devenait particulièrement sympathique.